Autre attentat islamiste hier à Londres, dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu ça. Et là, on a des images en plus. C'est une provocation. Ah, on repousse les limites de l'horreur constamment. Au cas où vous le savez pas, deux islamistes en plein jour, en pleine rue, ont sorti leur scalpel, leurs instruments de boucher, là, ils ont voulu en décapiter un, en plein milieu. Un militaire. Ils ont pas réussi à y arracher la tête, mais ils l'ont mis en lambeau, là. Et le gars s'est filmé, on le voit à la fin, là, les mains en sang, avec ses instruments de torture, de boucherie, en appeler à la guerre, puis bon, que ça a pas de bon sens, c'est juste le début, puis bon, mais là, ça a brassé cette nuit, semble-t-il, à Londres, parce que là, les deux camps ont manifesté dans la rue. J'espère que les gens vont se calmer, c'est exactement ça qu'ils veulent que... Ben oui, ils veulent provoquer. Que ça pogne. Alors... Il y en a après l'attentat de Boston, donc un mort à Londres, puis dans des circonstances. C'est de voir le gars à TV, on voit l'autre, tu vois le type à terre, mort. Mais moi, ce qui me fascine, c'est à quel point le gars vient de faire ça, comme si, le non-respect de la vie humaine. Là. Mais c'est totalement assumé. Là. Ouais, exact. Tu sais, tu tues quelqu'un dans un accident, tu tues quelqu'un dans une bagarre, pis c'est pas ça que tu voulais faire. Il y a plein de contextes, c'est jamais correct, mais tu sais, tuer de 100 fois le sourire aux lèvres, content, heureux, là. Pis t'es pas fou, là, dans le sens, là, c'est pelule ou cinglé. Tu es juste aveuglé par ton idéologie, c'est t'es convaincu de faire le bien. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, il y a des gens qui vont tuer, pis c'est pas correct, mais ils vont dire... Je sais que je faisais du mal, mais bon, en voyant dedans, ben, jusqu'à la fin de tes jours, ben, etc. Je veux pas te défendre, mais tu me suis-tu, ouais, José? Ben oui. Eux, là, dans leur tête. C'est volontaire. C'est à sa place. Ils font plaisir à leur Dieu. C'est un infidèle. Allah Akbar. Paf. On y découpe la tête en plein jour, un innocent. Tiens. Puis après ça, on se vante. On se filme. C'est 99% des meurtriers, après un meurtre, ils sauvent. C'est des gens pas corrects, mais ils sauvent. Pourquoi? Ils savent bien qu'ils ont fait de quoi de mal. Là, les policiers se sont présentés là et ils les attendaient, là. Ils sauvent pas. Ils ont fait plaisir à leur Dieu. Moi, ça me renverse. Hier, j'ai de la misère à regarder ça. C'est dur de se battre contre ça, là. C'est dur de se protéger contre ça. Ouais. Ils arrêteront pas. Jamais, là. Ils font le bien. Et c'est une lutte à finir. Et dans leur tête, tous ceux qui ne se prosternent pas devant là, mérite la mort. Alors, on est, c'est un vaste projet, là. On est, et de plus en plus, hein, c'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Le 11 septembre 2001, c'était des Saoudiens. Les attentats de Boston, oui, étaient d'origine tchétchène, mais c'est des Américains, là. À Times Square aussi. À Londres aussi, c'est pas la première fois que les gens qui commettent les attentats sont soit nés ou ils vivent là depuis longtemps. Sont chez nous. Fait que c'est les gens qui vont dire, je sais que c'est pas la solution, mais certains vont dire, fermez les barrières! Butch, pas compliqué, ferme-moi un pas! Non. Ils sont chez nous. Ils sont déjà là, ils ont grandi ici, moi, c'est ce qui me... Tu sais, t'as grandi en Somalie, ou en Arabie Saoudite, ou en... Ça se peut que t'as été influencé par une idéologie radicale, tu me suis? Mais là, ils ont grandi parmi nous, parmi nos valeurs, parmi notre confort, parmi... Mais non. Même là, ils recrutent des soldats, puis ils réussissent à commettre ça. C'est pas pour banaliser ce que je viens de dire. Certains vont y voir une contradiction, mais il y en a pas. Je veux quand même rappeler, c'est important de le faire. Oui, il y a des attentats islamistes. Regardez ce que je viens d'en dire. Là. C'est extrêmement dangereux. Il faut combattre ça. Mais je suis tombé sur des stats sur antagoniste.net, un excellent site que je vous invite à visiter, sur le nombre moyen d'attentats par année en Europe, par idéologie. Tu me suis? Oui. Combien, selon l'idéologie, il y a d'attentats par année? Alors, selon toi, quel est... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ils donnent 5 idéologies. Moi, vous les nommez, puis je te demande, José et les auditeurs, de me mettre ça en ordre. Mais déjà, on part avec un préjugé. Alors... islamiste, séparatiste, extrême gauche, extrême droite ou environnementaliste. Alors, lequel de ces groupes-là revendique ou a le plus d'attentats en Europe par année? C'est depuis 2006. jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon toi... Moi, j'aurais porté, évidemment, à croire islamiste en premier, mais ça doit pas être ça, parce que te dis, certains vont dire que ça, c'est contradictoire, là. Mais... Toi, t'aurais mis islam numéro un. Oui. Ensuite, numéro deux. Ensuite... À l'extrême droite, les néo-nazis. Non, mais ça, je mettrais à la fin, moi, l'extrême droite. L'extrême gauche. Ensuite, les séparatistes, environnementalistes et extrême droite. OK. Voici le nombre moyen d'attentats par année sur le territoire de l'Europol. Je vous les donne dans l'ordre. L'extrême droite, 1.4. Extrême droite. Ceux qui sont toujours pointés du doigt à Radio-Canada ou dans la presse. En passant, je les défends pas. Là. Moi, je suis pas à l'extrême droite. Là. Je veux rien savoir d'eux autres. Mais c'est toujours eux qui sont blâmés. Là. 1.4. Les islamistes, 1.8. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, il y a eu Londres cette année en Europe. Lesquels ont? C'est pas, c'est ça, c'est spectaculaire quand... Ouais. Les environnementalistes, 2. L'extrême gauche et les anarchistes, 40.2. Et les séparatistes, 372. Ça fait ça. Moi, en regardant ça, honnêtement, même moi, je me suis questionné. Moi, continuer à dénoncer les islamistes, c'est dangereux. Ils sont là, ça n'a pas de bon sens, mais tu regardes ça, tu fais comme moi. Les maudits médias biaisés. Mais c'est ça, pourquoi on en est victime aussi? Hein? Mais José, là, on découvre que ce sont les séparatistes et les gauchistes qui, de loin, commettent le plus d'attentats. Les groupes anarchistes, mais pensez deux secondes. Tiens, si vous croyez pas ces chiffres-là, au Québec, prenez dans les 40 dernières années tous les attentats. Les islamistes en ont combien? Zéro. Zéro. Ici, je le dis souvent, Québec, on est chanceux. Je salue la communauté musulmane. Ce ne sont pas des radicaux. C'est des gens modérés. Ça se passe bien avec nos amis musulmans. Excellent. On n'en a pas. C'est zéro. L'extrême droite au Québec. Zéro. Les environnementalistes, il y en a quelques-uns. Greenpeace a commis quelques attentats au Québec. Quelques gestes illégaux. Les anarchistes, le printemps dernier, maudite merde. Je sais pas combien il y a eu de centaines d'arrestations. Et les séparatistes, il y a eu des morts. Alors, le tableau que je vous donne là, sur l'Europe, c'est exactement le tableau du Québec. La violence au Québec, elle est d'abord et avant tout l'œuvre des séparatistes. Je parle de la violence idéologique, là. On parle pas de tous les crimes. On va être précis. C'est d'abord les séparatistes, ensuite les gauchistes, ensuite les environnementalistes. Mais on les pointe jamais. Parce que les médias sont gauchistes et séparatistes. Alors, ces chiffres-là sont sur antagoniste.net. 7h20, je suis comme vous, on est hors de parler à Régent, il y a du nouveau.